Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Réalisation Cédric Ossir. Hector est mort devant les murs de Troie, sous les coups furieux, impitoyables d'Achille. Ivre de sa vengeance, celui-ci a attaché le cadavre à son char pour le traîner jusqu'au camp des Achéens. 10e épisode. Démodocos, Priam. Et tous virent le roi se rouler dans la boue, fou de douleur. Il allait de l'un à l'autre pour supplier qu'on le laisse se rendre au navire des Achéens pour reprendre le corps de son fils. Par la force, ils durent le maintenir, le vieux fou. Des jours durant, il resta assis au milieu de ses enfants, caché dans son manteau. Ce n'était que chagrin et gémissement autour de lui. Il pleurait, hommes et femmes, tous en pensant au héros disparu. Le vieil homme attendit que la boue durcisse dans ses cheveux et sur sa peau blanche. Puis un soir, il se releva. Il alla dans la chambre nuptiale et fit appeler son épouse Hécube. Et quand elle fut en face de lui, il lui dit « Je dois aller là-bas. J'apporterai de riches présents qui adouciront le cœur d'Achille. Je dois le faire. » Ainsi dit-il. Puis il fit ouvrir ses écrins les plus précieux. Il choisit 12 péplos très beaux, 12 manteaux, 12 couvertures, 12 pièces de lin blanc et 12 tuniques. Il pesa 10 talents d'or et prit 2 trépieds luisants, 4 bassins et une coupe magnifique, présent des Thraces. Quand tout fut prêt, arriva Hécube. Elle tenait dans sa main droite une coupe de vin doux. Elle s'approcha du vieux roi et la lui tendit. « Si vraiment tu veux aller là-bas, lui dit-elle, contre ma volonté, fais au moins une libation à Zeus avant, et prie-le de te laisser revenir vivant. » Le vieux roi prit la coupe, et parce que son épouse le lui demandait, il la leva au ciel et pria Zeus d'avoir pitié, et de lui faire trouver l'amitié et la compassion là où il allait. Puis il monta sur son char. Tous les présents avaient été chargés sur un chariot, conduit par Idaios, le héros plein de sagesse. Ils partirent, le roi et le fidèle serviteur, sans escorte, sans guerrier, seuls, dans l'obscurité de la nuit. Quand ils arrivèrent au fleuve, ils s'arrêtèrent pour faire boire les bêtes. Et c'est là qu'ils virent cet homme s'approcher, surgissant du néant, de l'obscurité. « Fuyons, mon roi !» dit Idaios effrayé. « Fuyons, ou cet homme nous tuera !» Mais moi, je ne pouvais pas bouger, j'étais pétrifié de peur. Je voyais cet homme s'approcher de plus en plus, sans rien pouvoir faire. Il vint vers moi et il me tendit la main. Il avait l'apparence d'un prince, jeune et beau. « Où vas-tu donc, vieux père ? » dit-il. « Ne crains-tu pas la fureur des Achéens, tes ennemis mortels ? Si l'un d'eux te voit transporter tous ses trésors, que feras-tu ? Vous n'êtes plus jeunes tous les deux. Comment pourrez-vous vous défendre si quelqu'un vous agresse? Laissez-moi vous protéger. Je ne vous veux aucun mal. » On aurait dit qu'un dieu l'avait mis sur notre chemin. Il croyait que nous nous étions échappés d'Ilion, que la ville était en proie à la terreur et que nous nous en étions échappés avec toutes les richesses que nous avions pu emporter. Il savait qu'Hector était mort et il pensait que les Troyens avaient pris la fuite. Et quand il parla d'Hector, il dit « En rien, il n'était inférieur aux Achéens dans la bataille. »« Ah, jeune prince, mais qui es-tu pour parler ainsi d'Hector ?» Et il répondit qu'il était un des Myrmidons, qu'il était parti à la guerre avec Achille et qu'il était maintenant un de ses écuyers. Il dit qu'il avait vu 1000 fois Hector combattre et qu'il se rappelait le jour où il avait attaqué les navires. Et il dit qu'il venait du camp des Achéens, où tous les guerriers attendaient l'aurore pour attaquer Troie à nouveau. « Puisque tu en viens, alors tu as dû voir Hector. Dis-moi la vérité, est-il encore dans la tente d'Achille ou l'ont-ils déjà jeté en pâture aux chiens ?»« Ni les chiens ni les oiseaux ne l'ont encore dévoré, vieil homme, » répondit-il. « Tu ne me croiras peut-être pas, mais son corps est resté intact. 12 jours ont passé depuis qu'il a été tué. Pourtant, on croirait qu'il vient à peine de mourir. Chaque jour, à l'aube, Achille le traîne sans pitié autour de la tombe de Patrocle pour l'outrager. Et chaque jour, le corps reste intact. Les blessures se referment. Le sang disparaît. Quelque Dieu veille sur lui, vieil homme. Il est mort. Mais il a un Dieu qui l'aime. Ah ! J'écoutais ces paroles avec une joie dans le cœur. Je lui offris la coupe que j'avais prise pour Achille et en échange lui demandai s'il pouvait nous faire entrer dans le camp achéen. « Vieil homme, ne me mets pas à l'épreuve, » dit-il. « Je ne peux pas accepter un présent de toi à l'insu d'Achille. Celui qui vole quelque chose à cet homme va au-devant de grands malheurs. Mais je te conduirai jusqu'à lui sans récompense. Et tu verras qu'avec moi, personne n'osera t'arrêter. » Ainsi, dit-il, et il monta sur le char, prit les rênes et fit aller les chevaux. Et une fois arrivé au fossé et au mur, les sentinelles ne lui dirent rien. Il passa les portes qui s'ouvrirent et nous conduisit rapidement jusqu'à la tente d'Achille. Elle était majestueuse, soutenue par des troncs de sapin et entourée d'une grande cour. La porte, énorme, était en bois. Cet homme l'ouvrit et me dit d'entrer. Il n'est pas bon qu'Achille me voie, vieil homme. Mais toi, ne tremble pas. Va et agenouille-toi devant lui. Puisses-tu émouvoir son cœur dur. Alors le vieux roi entra. Il laissa Idaïos surveiller les chars. Et il entra dans la tente d'Achille. Il y avait quelques hommes qui s'affairaient autour de la table encore dressée. Achille était assis à l'écart, seul. Le vieux roi s'approcha de lui sans que personne s'en aperçût. Il aurait même pu le tuer, peut-être. Mais au lieu de cela, il tomba à ses pieds et embrassa ses genoux. Achille resta stupéfait, pétrifié par la surprise. Priam lui prit les mains, ses mains terribles qui lui avaient tué tant de fils, et il les porta à ses lèvres et les baisa. Achille, tu me vois, je suis vieux maintenant. Comme ton père, j'ai passé le seuil de la triste vieillesse. Mais lui au moins doit être dans sa terre, où il peut espérer revoir un jour son fils, de retour d'Ilion. Immense au contraire est mon malheur. J'avais 50 fils pour défendre ma terre, et la guerre me les a presque tous pris. Il ne m'était resté que Hector, et tu me l'as tué, sous les murs de la ville dont il était l'ultime et héroïque défenseur. Je suis venu ici pour le ramener chez moi. En échange de splendides présents. Aie pitié de moi, Achille, en souvenir de ton père. Si tu as pitié de lui, alors aie pitié de moi, qui, seul entre les pères, n'ai pas eu honte de baiser la main qui a tué mon fils. Les yeux d'Achille se remplirent de larmes. D'un geste de la main, il écarta Priam de lui, avec douceur. Il pleurait, ces deux hommes, dans le souvenir du père. Du jeune homme aimé, du fils. Puis Achille se leva de son siège, prit le vieil homme par la main et le fit relever. Il regarda ses cheveux blancs, sa barbe blanche, et avec émotion il lui dit « Toi, malheureux, qui as enduré dans ton cœur tant de peines, où as-tu trouvé le courage de venir jusqu'au navire des Achéens et de t'agenouiller devant l'homme qui t'a tué tant de fils valeureux ? Ton cœur est fort, Priam. Assieds-toi ici. Oublions ensemble l'angoisse, car pleurer ne sert à rien. C'est le destin des hommes de vivre dans le chagrin et seuls les dieux vivent heureux. Sois fort, vieil homme, et ne te torture pas. Pleurer ton fils ne le fera pas revenir à la vie. » Et d'un geste, il invita le vieux roi à s'asseoir sur son siège. Achille sortit de sa tente avec ses hommes. Il alla prendre les riches présents que Priam avait choisis pour lui, et il laissa, sur le chariot, 2 pièces de lin et 1 tunique, pour que le corps d'Hector y soit enveloppé quand il serait prêt pour être ramené chez lui. Puis il appela des esclaves et leur ordonna de laver et oindre le corps du héros, et qu'elles fassent tout ceci à l'écart pour que les yeux de Priam ne le voient pas et n'aient pas à en souffrir. Et quand le corps fut prêt, Achille lui-même le prit dans ses bras, le souleva et le déposa sur un lit funèbre. Puis il revint dans la tente et s'assit en face de Priam. « Ton fils t'est rendu, vieil homme, comme tu le voulais. À l'aube, tu le verras et tu pourras l'emmener. Et maintenant, je t'ordonne de manger avec moi. » Ils préparèrent une sorte de banquet funèbre. Et quand le repas fut terminé, nous restâmes là, l'un en face de l'autre, à parler dans la nuit. Je ne pouvais qu'admirer sa beauté. Il ressemblait à un dieu. Et lui, il m'écoutait en silence, charmé par mes paroles. Bien que cela puisse paraître incroyable, nous passâmes ce temps-là à nous admirer. Si bien qu'à la fin, oubliant où j'étais et pourquoi j'étais là, je demandai un lit, car depuis des jours je n'avais pas dormi, terrassé par la douleur. Et ils me le préparèrent, avec des tapis précieux et des couvertures de pourpre dans un coin, pour que les autres Achéens ne me voient pas. Quand tout fut prêt, Achille vint à moi et me dit « Nous arrêterons la guerre pour te donner le temps d'honorer ton fils, vieux roi. » Puis il me prit la main et la serra dans la sienne, et je n'eus plus peur. Je me réveillai au cœur de la nuit, alors que tous dormaient autour de moi. Je devais être devenu fou pour penser à attendre l'aube dans cet endroit. Je me levai en silence, j'allai jusqu'au char, je réveillai Idaios. Nous attelâmes les chevaux et, sans que personne nous vît, nous partîmes. Nous traversâmes la plaine dans le noir, et quand l'aurore couleur d'or se répandit sur toute la terre, nous arrivâmes au mur de Troie. De la ville, les femmes nous aperçurent et se mirent à crier que le roi Priam était revenu, et avec lui son fils Hector, et tous se déversèrent par les portes, accourant à notre rencontre. Tous voulaient caresser la belle tête du mort, en pleurant et en lançant de sourds gémissements. Le vieux roi eut peine à faire entrer le chariot à l'intérieur des murs, puis dans le palais. Ils prirent Hector et le déposèrent sur un lit ouvragé. Autour de lui s'éleva la plainte funèbre, et les femmes, l'une après l'autre, vinrent le voir, et en prenant sa tête entre leurs mains, lui dirent adieu. Andromaque, la première, qui avait été son épouse. « Hector, tu meurs jeune, et tu me laisses veuve en notre maison, avec un petit enfant qui ne deviendra jamais grand. Cette ville sera détruite, puisque tu es mort, toi qui la protégeais. Les nobles épouses seront emmenées jusqu'au navire, et je serai parmi elles. Tes parents te pleurent aujourd'hui, toute la ville te pleure, mais nul ne te pleure avec autant de douleur que ton épouse. » Et Hécube, sa mère, alors le pleura. « Hector, de tous mes enfants le plus cher à mon cœur, les dieux qui t'ont aimé vivant, une fois mort, ne t'ont pas abandonné. Achille t'a traîné dans la terre, mais je te revois maintenant ici. Et tu es beau, et frais, et intact. La lance d'Achille a eu raison de toi, mais c'est d'une mort douce que tu sembles avoir péri, mon fils. » Ainsi pleurèrent dans la nuit les femmes et les hommes de Troie, autour du corps d'Hector. Le lendemain, ils dressèrent un bûcher en son honneur et firent monter haut les flammes dans la lueur de l'aube couleur de rose. Ces os blancs, ils les conservèrent dans une urne d'or, enveloppée d'un drap de pourpre. Au fond de la terre, à présent, ils reposent, là où aucun guerrier ne pourra plus les déranger. Bien longtemps après ces événements, j'étais à la cour des Phéaciens, et là arriva, naufragé, venant de la mer, un homme mystérieux et sans nom. Il fut accueilli comme un roi et honoré selon tous les rites de l'hospitalité. Pendant le banquet somptueux qui fut préparé pour lui, je chantai les aventures des héros, car je suis aède et chanter est mon métier. Cet homme écoutait, assis à la place d'honneur, il m'écoutait en silence, ému. Et quand j'eus terminé, il coupa un morceau de viande pour moi et me le tendit, et me dit « Démodocos, une muse, fille de Zeus, a été ta maîtresse, car tu chantes avec un art parfait les histoires des héros achéens. J'aimerais entendre de ta voix celle du cheval de bois, la ruse que le divin Ulysse imagina pour détruire Ilion. Chante-la, et je dirai à tous que c'est un dieu qui t'a appris à chanter. » Il me demanda cela, l'homme sans nom, et voilà ce que je chantais pour lui et pour tous. Déjà la dixième année était passée, et la guerre entre les Achéens et les Troyens durait toujours. Les lances étaient lasses de tuer, les sangles des boucliers usés se déchiraient, et les cordes des arcs épuisés laissaient retomber les flèches rapides. Les chevaux, vieillis, paissaient désolés, la tête basse, les yeux clos, pleurant les compagnons avec qui ils avaient couru et combattu. Achille gisait sous terre, près de son cher Patrocle. Nestor pleurait son fils Antilochos. Ajax de Télamon errait dans l'Hadès après s'être tué. Paris, cause de tant de malheurs, était mort, et Hélène vivante près de son nouvel époux Déiphobos, fils de Priam. Les Troyens pleuraient Hector et Sarpédon et Rhésos. 10 ans. Et Ilion se dressait toujours intact, à l'abri de ses murailles invincibles. Ce fut Ulysse qui conçut la fin de cette guerre infinie. Il ordonna à Épéios de construire un gigantesque cheval de bois. Épéios était le meilleur quand il s'agissait de construire des engins ou des machines de guerre. Il se mit au travail. Des montagnes, il fit venir beaucoup de troncs d'arbres. C'était ce même bois qui avait servi aux Troyens, bien des années auparavant, à construire les navires de Paris, origine de tous les malheurs. Épéios le prit pour construire le cheval. Il commença par faire le ventre, large et creux, puis il fixa le cou, et sur la crinière pourpre, il versa de l'or pur. À l'endroit des yeux, il mit des pierres précieuses. Y brillaient ensemble le vert émeraude et l'améthyste couleur de sang. Aux tempes, il fixa les oreilles, droites, comme pour capter dans le silence le bruit de la trompette de guerre. Puis il monta le dos, les flancs, et enfin les pattes en les pliant aux genoux, comme si elles s'élançaient dans la course, une course immobile, mais vraie. Les sabots étaient de bronze, recouverts de brillantes écailles de tortue. Dans le flanc de l'animal, l'ingéniosité d'Épéios découpa une petite porte invisible. Et il installa une échelle qui pouvait, dans le besoin, faire monter ou descendre les hommes, et qui disparaissait ensuite à l'intérieur du cheval. Ils travaillèrent des jours et des jours, mais à la fin, le cheval admirable parut aux yeux des Achéens, gigantesque et terrifiant. Alors, Ulysse appela les princes à l'assemblée, et de cette voix profonde qui n'était qu'à lui seul, il commença à parler. « Amis, vous continuez à avoir foi en vos armes et en votre courage. Et cependant nous vieillissons ici, sans gloire, nous consumant dans une guerre sans fin. Croyez-moi, c'est par l'intelligence, non par la force, que nous prendrons Troie. Le voyez-vous, ce magnifique cheval de bois construit par Épéios ? Écoutez mon plan. Quelques-uns d'entre nous entreront à l'intérieur, sans crainte. Tous les autres, après avoir brûlé les campements, laissant la plage déserte, lèveront l'ancre pour la haute mer et iront se cacher derrière l'île de Ténédos. Les Troyens doivent croire que nous sommes vraiment partis. Ils verront le cheval, ils le prendront pour un hommage à leur valeur ou pour un présent à la déesse Athéna. Fiez-vous à moi. Ils l'emporteront dans leurs murs, et ce sera leur fin. » Ainsi parla-t-il, et ils l'écoutèrent. Et ils eurent foi en lui. Ils tirèrent les sorts pour décider qui entrerait dans le cheval, et les sorts désignèrent 5 d'entre eux, Ulysse, Ménélas, Diomède, Anticlos et Néoptolème, qui était le fils d'Achille. Ils les firent entrer dans le cheval, puis ils fermèrent la petite porte qu'Épéios avait découpée dans le bois. Eux se recroquevillèrent dans le noir, avec l'angoisse au cœur. Pendant ce temps, les autres attendirent la nuit. et quand il fit noir, détruisirent les campements et mirent les navires à la mer. Avant que l'aube se lève, ils gagnèrent la haute mer et disparurent derrière l'île de Tenedos. Sur la plage où avait vécu pendant 10 ans l'immense armée, il ne restait plus que des carcasses fumantes et des cadavres. Parmi les premières ombres du jour naissant, les Troyens virent, au loin, la fumée des incendies. Très haut courut la rumeur que les Achéens s'étaient sauvés, et 1000 fois elle passa de l'un à l'autre, criée avec un espoir et une joie de plus en plus grands. Ils sortirent des murailles, d'abord par petits groupes, puis toujours plus nombreux, et traversèrent la plaine pour aller voir. Quand Priam arriva, entouré des anciens de Troie, il ne vit que la plage immense abandonnée, au milieu de laquelle trônait un gigantesque cheval de bois. Tous se massèrent autour de cette merveille. Quelques-uns, par haine des Achéens, voulaient le jeter à la mer ou le mettre en pièces à coups de hache. Mais d'autres, charmés de la beauté du cheval, conseillaient de le consacrer aux dieux et de le tirer à l'intérieur de la ville pour en faire un monument magnifique à la guerre victorieuse. Et ce furent ceux-là qui finirent par l'emporter. Car misérables sont les hommes, et il ne leur est pas donné de voir l'avenir, mais seulement de vivre plongé dans les brumes du présent. Ils poussèrent le cheval sur des roues rapides dans toute la plaine, l'escortant par leur danse et leur chant. Très haut montaient les cris des hommes qui tiraient les grosses cordes, et avec une fatigue immense traînaient dans leurs murs l'animal aux flancs empoisonnés. Une fois au rempart, le cheval était si énorme qu'il dut élargir les portes pour le faire entrer dans la ville. Et là encore, ils le firent avec des danses et des chants, en répandant un tapis de fleurs là où l'animal devait passer, et en versant autour de lui du miel et des parfums. Ce fut alors qu'apparut Cassandre, la fille de Priam, à qui les dieux avaient infligé la fortune de lire le futur et le chagrin de n'être jamais cru. Elle apparut telle une furie au milieu de cette fête, s'arrachant les cheveux et les vêtements et jetant des cris. « Misérable, quel est ce cheval de malheur que vous poussez comme des insensés ? Vous vous précipitez en courant dans votre nuit la plus profonde. Cet animal est gros de guerriers ennemis et il les enfantera pendant la nuit. Et un océan de sang courra dans ses rues qui emportera tout dans une grande vague de mort. Père, mère, je vous en supplie, reprenez vos esprits et éloignez l'horreur de nous tous. Détruisez ce cheval, mettez-y le feu, et alors oui, nous festoierons dans les chants et les danses. Alors seulement nous nous livrerons à la joie de la liberté retrouvée. » Elle hurlait, Cassandre, mais personne ne voulut l'entendre. Et son père, Priam, l'admonesta avec violence. « Prophétesse de malheur, quelle divinité maligne t'a possédée cette fois-ci ? Notre joie t'est-elle si désagréable que tu ne puisses supporter que nous fêtions en paix ce jour de liberté si longtemps attendu ? La guerre est finie, Cassandre, et ce cheval n'est pas un malheur, mais un digne présent pour Athéna, patronne de notre ville. Va-t'en, retourne au palais, nous n'avons plus besoin de toi. À partir de ce jour, il ne doit plus y avoir de peur à l'ombre des murs de Troie, mais seulement la joie et la fête et la liberté. » Alors elle fut ramenée dans l'obscurité du palais, Cassandre. Dans ses yeux, Troie brûlait déjà, dans les hautes flammes de sa ruine. Le cheval, ils l'amenèrent devant le temple d'Athéna. Tout autour, le peuple s'adonna à la joie la plus effrénée, se livrant à la folie et abandonnant toute prudence. Devant les portes, seules quelques sentinelles veillaient, survivant d'une guerre qu'on croyait finie. Toute la ville alors plongea dans le sommeil. Flûtes et cithares échappaient doucement des mains. Et les derniers aboiements des chiens ponctuaient le silence qui est le compagnon de la paix. Dans la nuit immobile, une torche brilla pour donner le signal à la flotte achéenne. Certains disent que ce fut Hélène d'Argos elle-même qui trahit. Et tandis que les navires achéens revenaient vers la plage et qu'en silence l'armée se répandait dans la plaine, du ventre du cheval sortirent Ulysse, Ménélas, Diomède et Néoptolème. Comme des lions, ils se jetèrent sur les sentinelles, devant les portes, faisant couler le premier sang de cette nuit terrible. Les premiers hurlements montèrent dans le ciel de Troie. Les mères se réveillaient, sans comprendre, serrant leurs enfants contre elles. Les hommes se retournaient dans leur sommeil, pressentant leur malheur et rêvant de leur propre mort. Quand l'armée achéenne franchit les portes, le massacre commença. Veuve de ses guerriers, la ville se mit à vomir des cadavres. Mouraient les hommes sans avoir eu le temps d'attacher leurs armes. Mouraient les femmes sans même essayer de s'enfuir. Mouraient leurs enfants entre leurs bras et dans leur ventre les créatures encore à naître. Mouraient les vieux sans dignité, alors qu'étendus sur le sol, ils levaient les mains pour supplier qu'on les épargne. Au milieu du massacre, Ulysse et Ménélas coururent à la recherche d'Hélène. Ils la trouvèrent dans ses appartements. Elle suivit son vieux mari en tremblant. Elle emportait dans son âme le soulagement de voir la fin de son malheur et la honte de ce qui avait été. Je devrais maintenant chanter cette nuit-là. Je devrais chanter Priam tué au pied de l'autel de Zeus et le petit Astyanax jeté par Ulysse du haut des remparts et les pleurs d'Andromaque et la honte d'Hécube traînée comme une esclave et la terreur de Cassandre violée par Ajax doilé sur l'autel d'Athéna. Je devrais chanter une lignée qui allait au carnage et une cité très belle qui devenait un bûcher en flammes et le tombeau muet de ses enfants. Je devrais chanter cette nuit-là, mais je ne suis qu'un aide. C'est aux muses de le faire, si elles en sont capables. Une pareille nuit de douleur, je ne la chanterai pas. Ainsi dis-je. Puis, je vis que cet homme, l'homme sans nom, pleurait. Alcinoos, le roi, qui était assis près de lui, s'en aperçut et me fit un signe pour que je cesse de chanter. Puis il se pencha vers l'étranger et lui dit « Pourquoi pleures-tu, ami, en écoutant l'histoire d'Ilion ? Ce sont les dieux qui ont voulu cette nuit de sang, et ces hommes sont morts pour pouvoir ensuite être chantés dans l'éternité. Pourquoi entendre leur histoire te fait-il souffrir ? Peut-être as-tu perdu cette nuit-là un père, un frère, ou bien il t'est mort un ami dans cette guerre ? Ne t'obstine pas dans ton silence, et dis-moi qui tu es, et d'où tu viens, et qui est ton père ? Personne ne vient au monde sans un nom, qu'il soit riche ou misérable. Dis-moi ton nom, étranger. » L'homme baissa les yeux, puis il dit doucement. « Je suis Ulysse. Je viens d'Ithaque, et là-bas, un jour, je retournerai. » Homère, Iliade, d'Alessandro Barrico. Extrait choisi par Catel Guillou. Homère, Iliade, traduit par Françoise Brun et paru aux éditions Albin Michel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Avec Grégoire Mont-Saint-Jean, Malik Faraoun et Nora Krief. Musique originale Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation Claire Chéneau. Réalisation Cédric Aussire.